tout le monde. Comment allez-vous? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des femmes fortes numéro 558. Et aujourd'hui, l'album de la semaine, c'est Red Rose Speedway. Et nous allons écouter plusieurs extraits. Il y aura par exemple Big Bound Bed, My Love, One More Kiss, Little Lamb Dragonfly et le medley Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love et Power Cut. Ainsi que Simoon en fin d'émission juste pour le plaisir. Album sorti en 1973, si je ne l'ai pas dit. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera par exemple Give Peace a Chance sur l'album Plastic Ono Band Ultimate Collection. Parce que sur l'album d'origine de 70, ça n'était pas dessus, c'était un 45 tours. Pour George Harrison, ce sera If Not For You, mais la version 2020, du mix 2020 de l'album All Things Must Pass de 1970 aussi. Vous avez remarqué que les premières chansons, c'est toujours les années 70. C'est volontaire. Ah, vous avez compris maintenant. C'est bien. Et pour les Beatles, ce sera If I Fell sur l'album A Hard Day's Night, sorti en cette si belle année 1964, année durant laquelle sont nées des légendes, paraît-il. Bon, donc tout va bien. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on commente sur le topic du haut sur lequel il y a Paul McCartney à côté d'une moto avec une fleur dans les dents et c'est l'album Red Rose Speedway. Curieusement, on commence l'émission non pas en 1973, mais en 1971. Écoutez cette reprise. Chanson en 1971 qui va devenir en 1973 cette chanson Big Bound Bed, la preuve par la musique. Who's that call me round?

can get it tomorrow. Just give me the chair if you really want it now. Okay, now. All we can say is give me the chair. Yes, yes. All we are saying is give me the chair. Okay, beautiful. Yes. Not for you. Not for you. Belle cette version de If Not For You, chanson de Bob Dylan, qu'il a donnée à George Harrison pour son album All Things Must Pass. Il nous en reste un à passer, justement. C'est Ringo Starr. Ringo Starr, sur son album, premier album sorti en 1970, il en a sorti deux, Sentimental Journey et Pockets of Blues. Voici Love is a Many Splendid Thing sur RIG. That only grows in the early spring.

never ask me why. I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my de rien, cette chanson a 50 ans cette année déjà. Ce sont les Traveling Wilburys deux fois à la suite, Last Night et You Took My Breath Away sur RIG. Talking about last night. Talking about last night. Talking about last night. Talking about last night. Talking about last night. George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et Bob Dylan pour cette dernière chanson. La chanson d'auparavant, c'était l'album 2 ans avant, en 1988. Et sur cet album-là, on pouvait ajouter Roy Orbison, qui est mort entre les deux albums. Et j'ai entendu dire, j'ai lu quelque part, qu'ils auraient voulu faire une tournée. Et puis la mort de Roy Orbison, finalement, a tout envoyé bouler. Et c'en est resté là. C'est dommage. Harrison avait vraiment trouvé le groupe qu'il lui fallait, puisque pas d'ego, on s'en fout. On a déjà fait nos carrières, on a besoin de rien, on s'amuse. Et ben voilà, ça aurait pu être quelque chose de sympa. Et même à la limite, je pense, dans ce type de groupe vraiment spécial de copains qui s'amusent, ils auraient fait leur carrière solo de leur côté, leur album solo de leur côté, plus des albums de Traveling Wilburys, certainement, si ça en était donné la peine. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Et puis ça date d'il y a maintenant bientôt 40 ans. Enfin, pas encore, mais ça viendra. Bon café, Rook. C'est John Lennon, Old Dutch Road, sur Walls and Bridges en 1974. Et c'est sur RIG.

Paraît-il un dicton dans le rock'n'roll qui dit « jamais deux sans trois ». If you want our love to last. en guinol, messieurs, dames, sur RIG 90.7, également sur www.rigfm.fr. J'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes dans la saga des Fab Four numéro 558 sur RIG en tout cas. L'album de la semaine, c'est l'album Red Rose Speedway de Paul McCartney en 1973. Et je vous propose de continuer l'émission avec un disque beaucoup plus calme. Une chanson beaucoup plus calme. C'est en 1982. George Harrison est allé tirer de ses tiroirs une chanson qu'il avait commencé du temps des Beatles, mais qu'il a laissé tomber parce que sans doute McCartney ou Lennon, ou les deux, avaient dit « on la fera plus tard et pas pour l'instant ». Il a écrit « Circle ». « Circle », ça parle du Maharishi, ça parle de l'Inde, ça parle de tout ceci, et ça n'a donc rien à voir en 1982. Néanmoins, c'est une chanson qui s'écoute. Change your mind, side even as a swine, so you go round and round in circles. He who knows does not speak, he who speaks does not know. Like someone and will not bend. Later they may become your best friend. It's like it goes round in circles. Birth, we make our date. With life and death along the road, the soul reincarnates. The show goes round and round in circles. When loss and gain and up and down comes the same, then wisdom gone in circles. Un petit peu creux de George Harrison. Il va s'arrêter 5 ans d'ailleurs après cet album-là, Gone Tropo, avant de revenir en pleine forme en 1987 et l'album Cloud Nine. Faisons un tour du côté de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album donc Red Rose Speedway de Paul McCartney en 73. Et je vous propose ce merveilleux morceau que j'adore. On va tous faire la la la la la la la la. Je ne vous fais pas l'air avec, je vous laisse le découvrir si vous ne le connaissez pas. Mais je sais que j'ai avec moi, en tout cas les habitués qui le connaissent obligatoirement. Voici Little Lamb Dragonfly sur RIG. un peu plus de 6 minutes passées tranquillement avec Monsieur Paul McCartney et ce bel album Red Rose Speedway en 1973. Nous arrivons maintenant à l'album, à la cover, j'allais dire l'album de la semaine. Non, on vient de le faire. À la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières solo. Et même si, avec les Beatles ou pendant la carrière solo, eux-mêmes reprenaient quelqu'un. Il faut qu'ils l'aient chanté. C'est le cas. C'est le cas et c'est un excellent hommage puisque c'est Philip Collins qui le fait, un Français. Non, c'est Phil Collins. Phil Collins qui nous reprenait cette fin de Abbey Road merveilleuse qui s'appelle donc Golden Slumbers, Carry That Weight at the End, sur l'album de George Martin qui s'appelle In My Life, son adieu au monde de la musique, plus ou moins, en 1998. Voici Phil Collins sur RG. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. a fallu qu'il fasse le malin en faisant un solo plus long et plus compliqué que celui de Ringo. Enfin, c'était bien. C'était très très bien. Ça, c'était pour la cover. Vous savez que la 18e chanson, de temps à autre, je vous propose quelqu'un qui appartient à la famille large des Beatles. Et là, c'est même la famille rapprochée des Beatles. C'est Julian Lennon. Julian Lennon. Et ce titre sur l'album qui s'appelle Help Yourself, sorti en 1991, voici Saltwater. Vous allez voir, ça ressemble à du John Lennon. Et ça n'est pas John Lennon. Ça, c'est une boisson qui existait au sujet d'un Canada, du Canada dans les années 80 ou 70, un truc comme ça. Je ne sais pas si ça existe encore. En tout cas, la chanson est bien. Golden sun, we are a billion.

She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. In black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? C'est une valse, hein, ça, je crois. Oui, il me semble bien que c'est une valse. Babies in Black, sur RG, c'est de l'année 1964. Et moi, c'est extrait d'un album que j'ai fait venir du Canada, puisque j'ai fait venir deux albums, les 25 chansons d'album 63-64, et également Slow Down, 21 reprises de chansons 63-64, sorties en... Alors, les 25 chansons d'album, c'est sorti en 2020. Les 21 reprises de chansons, c'est sorti là, cette année, il y a quelques semaines. Et ce sont des albums, alors comment ils disent déjà, remasterisés, ça c'est nous qui le disons, mais je sais plus, j'ai pas l'album sous les yeux, je peux pas vous le dire, mais c'est assez marrant. Une autre fois, je vous le dirai une autre fois. En tout cas, le son est très très bon. Je vous propose une avant-dernière fois, une excursion du côté de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Red Rose Speedway, en 1973, de Paul McCartney. Et voici l'extraordinaire sens qu'a Paul de prendre des petits bouts de chansons, de les mettre les uns à côté des autres, et pour à la fin faire une très grande chanson. Donc c'est le roi des changements de rythme. Voici Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love et Power Cut. Vous allez voir quatre airs différents, et à la fin, la musique des quatre se retrouve ensemble. Si vous n'avez pas compris, vous allez juger après avoir entendu.

McCartney sur RIG 90.7. C'est la saga des Fab Four numéro 558. On est ensemble pendant à peu près une grosse demi-heure parce que j'ai en ligne quelqu'un que je connais depuis presque au moins 35 ans, 40 ans peut-être. Il y a un problème et qui a besoin d'aller chez le médecin. Et donc je vais être obligé de faire le Zorro et d'aller me déplacer pour aller la chercher. Donc on ne dépassera pas ou très peu 22 heures. C'était pas prévu comme ça, mais je suis comme ça. Je suis fidèle aussi en amitié. Ça c'est Ringo Starr. Here's to the night avec Paul McCartney. Here's to falling on your face, getting back up and winning the race. Here's to taking it to extremes, never losing faith in our crazy dreams. Here's to having no fear. Here's to right now, right here. The stars, hanging out in castles or hanging in the yard. Here's to leaving no foolish deed undone, moving to the beat of our own crazy drum. Here's to living out loud. Here's to right here, right now. C'est la radio des Beatles. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, oh,

enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday. Then we will remember things we said today. Vous savez, quand on pense à quelque chose et qu'on n'arrive pas à trouver la solution, il faut le laisser dans un coin et ça revient tout seul. Je vous ai dit, pour les albums que j'ai fait venir du Canada, ils ne sont pas remasterisés au Canada, ils sont rematricés. C'est pas forcément mieux, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça que les Canadiens aiment dire quand ils remasterisent un album. Allez, une dernière fois l'album de la semaine. Bien que ça ne fasse pas vraiment partie de l'album de la semaine, mais sur le coffret Red Rose Speedway, vous avez cette chanson qui n'était qu'un 45 tours à l'époque, qui plaît beaucoup à Paul puisqu'il le chante assez régulièrement. Sea Moon sur RIG. Check it, check it, check it out. Was that the intro I should have been in?

propose encore trois petites chansons. Do you know? Do you want to know secret? Et on finira avec deux Ringo à la suite. Rock Island Line et Everyone and Everything sur RG. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Toi de jouer. Je vous reprends un bon vieux titre de tes débuts, Rock Island Line. C'est des skiffles à l'époque. Allez, une petite dernière. Everybody, where you at? Time to meet your greatness. Take the power, throw it to the world. Let's see what you can do. Let's hope we wake up real soon. Take a walk along the ocean. Make a moment last. Show an act of kindness. Don't expect it back. We could learn to be forgiving. Maybe teach someone the same. Everything keeps changing. A movie scene I saw on HBO. Something about a warning that we're headed for the danger zone. What I up, what I down, who's looking ahead? Let's not wait to see what happens next. We could try to make life better, or we could all just disappear. There's at least a million. We can't wait for tomorrow, and we just can't look away. Everything needs changing today. Cet extrait du dernier album en date, EP3, qui s'appelle tout simplement Petit EP. Donc, on va dire presque 45 tours, il y a quelques titres seulement. Et c'est tout pour aujourd'hui, puisque je suis obligé de m'en aller. Il n'y a pas Eric, comme vous allez le constater dans quelques secondes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et à la prochaine fois. À bientôt, ciao.